attendait au premier qu'il attirerait de là. Une voix, une main, quelque chose comme ça. Entre quatre rues, il faisait les 100 pas sur King's Rockway. Il voulait juste une porte qu'on lui montre du doigt. Un geste qui réconforte pour retrouver le droit. Condamné à être moins que soi sur King's Rockway. Seul se battre, c'est moins facile. Les murs sont plus hauts, volonté plus fragile. Seul dans le noir, on a un peu plus peur. Seul. Sans si loin.